qui vous êtes, ce que vous faites. Personne veut parler de son passé, mais on veut savoir qui nous guette. Qui est prêt sur nous à cracher, lui t'es prêt à te gâcher, t'as compris et fâché. Tu passes toute ta vie à te cacher, lui t'es prêt à te gâcher, t'as compris et fâché. Tu passes toute ta vie à te lasser, mais dis-nous tu veux quoi. J'ai pas tout, je peux pas refaire un nom, mais dis-nous tu veux quoi. Avec eux je vais arriver en banque. J'ai pris ma mif et je me suis taillé. Je me suis taillé devant aucune somme, quand j'ai bégayé. J'ai bégayé, ouais j'ai pris ma mif et je me suis taillé. Je me suis taillé devant aucune personne, je me suis agenouillé. Je me suis agenouillé. Mais qu'est-ce que t'as? Y'a bien quelque chose que t'as sur le cœur, mais que tu ne dis pas. Mais que tu ne dis pas. J'ai bégayé, ouais j'ai pris ma mif et je me suis taillé. Je me suis taillé devant qu'une personne, je me suis agenouillé. Je me suis agenouillé. Mais qu'est-ce que t'as? Y'a bien quelque chose que t'as sur le cœur, mais que tu ne dis pas.